À l'occasion du 105e anniversaire de naissance du président Guémelson, la maison d'édition Tarazalt d'Al-Jazair d'Algérie a fait paraître en brochure l'œuvre classique du dirigeant suprême Kim Jong-un, La cause du parti des éminents camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il, triomphera à coup sûr. Le service de parution a eu lieu le 30 mars à la maison d'édition.